Chacun est plus sage que l'un, chacun est le plus téméraire, chacun est le plus intelligent de tous, chacun est plus que tout, chacun est plus que tous, toutes sont mieux. Le jeu est linéaire, le pronom est vertical, ceci n'est ni vrai ni faux, tu es mon vous, je suis ton tu, ils sont notre eux, tout est acquis d'avance, il est notre part de cerveau disponible.